Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Black M. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. Black M. C'est maintenant sur Skyrock. Quatrième soir avec Black M. Bonsoir, bienvenue. Comment ça va, Black M? Ça va très bien, et toi? En pleine forme après cette grosse soirée d'hier où on a pu découvrir un morceau aussi inédit de toi et d'Abou de Bang qui est de retour avec nous. Exactement. Abou de Bang. Monsieur de Bang, comment va? On est là dans la calmance. La plus totale. Toujours pris entre Papété et Rabat. Abou de Bang, c'est toujours pas remis en fait. Hein. Non, trop de voyages. Pas remis, Non, franchement. Trop de voyages. Franchement, j'arrive pas à m'en remettre. C'est magnifique. C'est magnifique, grâce à Black M, on fait le tour du monde. C'est même plus le tour de la France. C'est incroyable. Ça commence à être le tour du monde. Et ça repart là au mois de juin. Il y a des dates qu'on vous filera aussi. Jusqu'au mois de novembre, cette grosse tournée à pas louper. Yes. On en a parlé avec toi hier à Abou de Bang, mais c'est un grand kiff en fait cette tournée. Total. Envoyez vos réactions du morceau d'hier. Tiens, j'ai envie d'avoir les réactions du morceau d'hier. Adios. Envoyez vos réactions. Balancez encore avec le hashtag. La Bangance, la Blackance. Black M sur Skyrock. Et puis balancez aussi vos réactions si déjà vous avez vu la tournée de Black M où on retrouve Abou de Bang, Shinsekai et puis les musiciens et toutes l'équipe, les danseurs aussi, le TN Crew. Donc envoyez vos messages avec le hashtag Black M sur Skyrock et puis on débute avec un live tout de suite, Madame Pavoshko. Yes, on se met Madame Pavo. Madame Pavoshko est juste derrière, on vous en parle dans un instant, il y a un clip là qui va arriver là dans quelques minutes. Ouais, un nouveau clip qui va être balancé à 20h pile. Et ben on vous balancera le son. Ne bougez pas, c'est le Planet Rap Black M qui débute. Yeah. Olympia, attention, ce soir, le concert est filmé. Ce soir, le concert est filmé, le DVD va sortir. S'il vous plaît, je veux voir tout le monde debout. Tout le monde debout. Tout le monde se... Allez, Madame Pavoshko. Non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je peux de hit, Madame Pavoshko. Et votre osmo, hit, Madame Pavoshko. Oui, Madame Pavoshko. Le 8, dans les bacs, n'oubliez pas. Grosse dédicace à mon gars sur Macan Keita. Le H de guerre. Renoir qui grattait des couplets de barge. Fuck le délégué. Force à mon gars Franglish et Joss. Akatsuki Game. Les cours, oui, je m'en bats. Les, oui, je sais, c'est dommage. Du coup, tout le monde sourd. Aïe, Madame Pavoshko. Non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je suis de il, Madame Pavoshko. Et vos gosses me vivent, Madame Pavoshko. Oui. Madame Pavoshko, j'ai toujours autant d'inspiration. Madame Pavoshko. Rejette tout le live. Oui, Madame Pavoshko, si vous voulez, on se tweet, Madame. D'aller-retour au rectorat. Vos discours dans ma tête et j'en ai fait une vraie chorale. Toi tes épaules dans ton bureau, tu me dis va rigoler. Et moi au lieu de te gifler, je préfère en rigoler. Dès que leur guerre se croise, hop, adrénaline. Ah oui, je sais, j'ai pas calculé le prof de mathématiques. J'analysais un de ces fameux couplets. Ouna kikike. Tout le monde sourd. Madame Pavoshko. Non, j'suis pas en prison ou à l'hosto. Non, j'suis de hit, Madame Pavoshko. Et vos gosses me hit, Madame Pavoshko. Oui, Madame Pavoshko. J'ai toujours autant d'inspi, Madame Pavoshko. C'est pour mes gars sous. Madame Pavoshko, si vous voulez, oh oui, Madame Pavoshko. Je me suis juré qu'un jour vous danserez sur mes sons. À une époque, je voulais me procurer un Smith & Wesson. Une petite voix me chuchotait, vas-y, tire son école. Ça prend une petite anecdote, la directrice et l'école. Pourquoi ce monde de surveillants me demande de vider mes poches? On est pas au poste de police. Yeah. Et moi, je suis fidèle au poste. Mettez-moi vos heures de colle, même allez prenez vos collègues. Vous avez qu'à être en colère. Et tout le monde fait. Des surprises ce soir sur Skyrock. Dans vos mains, l'Olympia. Plus de surprises qu'à l'Olympia. Ce soir, en exclusivité, le DVD de l'Olympia. On veut le feu ce soir, attention. Okay. Tout le monde sort. Aïe, Madame Pavoshko. Non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je peux le hit, Madame Pavoshko. Et vos gosses me hit, Madame Pavoshko. Oui, Madame Pavoshko. J'ai toujours autant d'inspi, Madame Pavoshko. C'est pour mes gars sous, oui, Madame Pavoshko. Si vous voulez, on se Madame Pavoshko. Mais tout le monde veut. Solo, tête sous l'eau. Je me suis dit c'est le moment, mais le braille. Dédicace au Maroc, Rabat, ma voisine, c'était le feu. Dédicace à Papété, Marourou. Donc si au conseil de classe les profs disaient que tu faisais partie des plus nasses d'école, jette ton mon gars sur main, Man in Black, c'est comment? Et si pour toi un avertissement, les autres qu'une excuse de plus de divertissement, jette ton cahier, mets le fire. Fire, fire. Les yeux plus gros que l'Olympia le 8 juin dans les motherfucking bars. Attention. Yeah, mettez le fire. Mettez le fire. Mettez le fire. Madame Pavoshko, version live, ça sort le 8 juin lundi dans les bacs CD. Dédicace à Madame Pavoshko, bisous. Tu l'as retrouvée ou toujours pas? Elle me cherche. C'est elle qui te cherche. Elle me cherche, elle me cherche. Et bien si elle est du côté de Boulazac, elle te trouvera le 12 juin à Boulazac. Tiens, de bang. Yeah, direction Boulazac, après Tahiti, après le Maroc. Ça change, hein? Franchement. Hein, prochaine date à Boulazac. Je vais pas te mentir, moi, tu sais ce qui se passe, je reçois un message de la technique ou d'Axel, soit Laurent Balin, dédicace à lui, ou soit Axel, le manager. Genre rendez-vous au train. À tel endroit, à telle heure, et une fois dans le train, on va où? Tu sais ce qui est marrant dans la tournée, c'est que toutes les dates, tu sais, les gros dreams, Tahiti, Maroc, les gens ils sont chauds, l'entourage ils sont chauds pour nous accompagner, mais quand c'est Boulazac, tatati, il y a plein de personnes. Et pourtant, Boulazac c'est une super ville. Eh ben ouais, pourtant, mais les gens ils négligent. Hein? De bang. Il néglige fort fort, mais en tout cas franchement j'ai hâte. Le 13 juin à Clermont-Ferrand, le 22 juillet à Montauban, le 23 à Cognac. Et puis tiens, une date qui a peut-être donné le sourire, le 8 août. Tu sais où tu seras là? Il vient pas, il vient pas. Non, il vient, ah, il vient pas. Non, il vient, okay, pas. On a décidé, il vient pas. Ok. Ah, vous m'avez. Dommage, vous c'était m'avez la réunion. Exclu. Dommage. Ah, non, non, non, non. J'ai reçu le message d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai reçu le message, ça fait 2 mois. J'ai été le premier prévenu parce que la réunion, c'est une destination que je veux faire. Chine, ils m'en ont beaucoup parlé, Chine Sekai, vu qu'ils y vont souvent et j'ai hâte. Bah, j'ai pourtant, hâte. Tu seras pas. T'inquiète, on va essayer de négocier. C'est ça qui est dommage. T'inquiète, on va essayer de négocier. Bon, il y a une arrivée quand même aussi pendant le morceau. Il y a une grosse arrivée. Une grosse arrivée, quelqu'un d'intransférable, quelqu'un qui. Une grosse arrivée. Je dirais même 2 arrivées. On va commencer par le premier et après il y a son gars aussi parce que son gars il est là sur le tech aussi. Alors attention. L'amiral DRY. Monsieur Dry qui est là avec nous aussi. Quelle arrivée magnifique. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout Quelle monde. Chaleur tu nous as apporté, t'as vu ça comme il fait beau là, on est bien. Ça, je vous ai ramené le soleil, pourtant j'étais pas à Tahiti. Non, mais... J'étais à Orly, mais c'est bien. Bon, c'est apparemment bien, c'est il fait beau chez moi. En même temps, toi tu voyages tout le temps, Orly c'est une destination pour partir... Ouais, je suis à côté de l'aéroport. Bon, comment ça va Dry? Ça va et toi? En forme? Toujours, toujours. La tournée, tu y étais un petit peu sur la tournée de Black M? Très peu. Très peu. Mais je vais aller à Boulazac, je sens que... Ça me parle, ça t'inspire. Je sens qu'il y a une ambiance. Tu es inspiré par Boulazac. Voilà, on va leur montrer que ils comptent pour nous. Très bien. Et eh ben écoute, Dry, il sera. Dry, à pas louper. C'est le 12 juin. Donc les quelques dates que tu as vues, qu'est-ce que tu penses de cette évolution de Black M sur scène, sur la façon dont il gère maintenant la scène? Non, il gère bien. Il gère bien même. Fort. Tu sais, je suis étrangement surpris. Parce que j'écoutais un peu les lives, tout ça, mais franchement bien. Après, ça, ils ont agrémenté le show d'une façon différente. Et franchement, c'est agréable à voir. Tu as vu ses chorégraphies jacksoniennes, même, j'ai envie de dire. Non, il a ramené son truc, franchement, je suis fier de lui. Il a ramené vraiment merci, son univers. Sens. Il a ramené. Des moonwalks qui sont faits sur scène. Même ses clips, quand je regarde ses clips, voilà, il y a son petit truc à lui, quoi. Et ben, tu sais quoi, merci. Quelle transition, il est fort. Hein. Ouais, c'est une bête il de est transition. Fort, Dry. Il est... l'a pas fait exprès, sens, ça c'est les génies cachés, ça. Il est fort parce que là, il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure, les amis. Le clip est arrivé, il vient d'être mis à l'instant même en ligne. Le clip est arrivé, Black Shady, aïe, aïe. Partie 3. Le côté obscur de Black M, ce n'est pas moi, donc les commentaires, c'est pas moi. C'est Black Shady. C'est pas moi, c'est un autre. Tout sur lui. Ne me parlez pas sur mon Twitter, c'est pas moi. C'est Black Shady. On va lui créer un Twitter. Axel, Twitter pour eux. Allez, hop, ça y est.

pour voilà, précommander le truc. Gros, gros concert, hein, gros concert, photo. Ouais, c'est un gros concert. On a vu des bails. C'est un gros concert. Au cas où je sais pas ce qui se passe entre Dry et HQ. J'ai l'impression qu'il y a quelques dossiers. Ça date depuis. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Là. Ça date depuis. Quand ça fait longtemps ils sont pas vus, ben. Qu'est-ce qu'il y a HQ? Tu nous caches des trucs? Non, il y a rien. Bah, bah, tu peux leur dire, c'est bon. Dis-toi. Non, au calme, au calme. En tout cas, c'était un bon concert. J'ai kiffé, moi, le concert. Après, j'ai pas encore vu le DVD. J'ai vu quelques vite fait, quelques passages. Ah, c'est bien, c'est bien. Je me garde la surprise pour. Et bah, lundi, ça sort le 8 juin. Et tiens, on va prendre aussi Aurélie par téléphone du Havre qui t'a vu le 20 mars dernier. Aurélie, salut Aurélie. Salut, ça va? Salut Aurélie. Bien, Aurélie. Ouais. En forme. Bonsoir, Black M. Ça va Aurélie? Alors, t'étais du côté gauche ou droit? J'étais du côté droit pour moi, donc gauche pour toi. Donc, ah, t'étais gauche. Pas avec moi? Non. Non, j'étais avec les Shinsekai. Oh lolo. Elle était avec les Shinsekai. Oh lolo. Bah, je te présente Abou de Beng que t'as vu sur scène aussi. HQ. Bonsoir. Et Dry. Bonsoir. Qui est là aussi avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis très contente de te voir. Alors Aurélie, merci. Qu'est-ce que tu as retenu du concert? Qu'est-ce qui s'est passé pendant le concert? Que le côté droit gagne. C'était pas un concert, c'était complètement un show, franchement. Tu étais avec qui toi Aurélie? J'y étais avec mon frère. Avec le frangin, vous avez bien kiffé tous les deux? Ah ouais, on a kiffé grave, franchement, c'était une super soirée. Lui, en plus, c'était son premier concert, donc il était enchanté, et voilà, c'était génial, quoi. Donc un super moment du côté du Havre avec Black M. Voilà, et en plus, je suis ravie, parce qu'en fait, moi, je suis allée au Havre, mais j'habite dans le Pas-de-Calais, et puis Black M, tu viens, j'ai su en fin d'année une nouvelle salle de concert qui est ouverte près de chez moi, donc je reviendrai te voir. C'est laquelle? C'est Néo Nest. C'est comment tu dis? C'est Néo, à Longness. Okay. Ah oui, à Longness, exactement, le 24 octobre, exact. Voilà, c'est Longness, ça. Le 24 octobre, au Cénéo. Eh bien, écoute, tu y retourneras donc, Aurélie. Voilà. Merci d'avoir été avec moi, nous. Donc... Merci. Et je fais une dédicace à ma petite fille de 2 ans et demi, parce qu'à chaque fois qu'on monte dans la voiture, elle me réclame Madame Pavoschko, donc... Ah bah, commence bien. Voilà. Commence bien, ça va être une vraie carrière à l'école. Bon, te fais un bisou Aurélie, passe une bonne soirée, bah, merci bisous. À toi. Et bisous Black M. Hein. Ciao, ciao Aurélie. Une autre nana aussi qui t'a vu en concert, c'était à Lorient le 21 mars dernier. Nora, salut Nora. Salut. Ça va bien Nora? Salut Nora. Ouais, ça va top. Salut Nora. Eh bah, bienvenue dans le Planète Rap de Black M qui est là. Il y a Abou de Beng, il y a HQ, il y a Dry aussi. Et il y a toi Nora. Yeah. Et il y a moi, il y a ma fille Chelsea avec moi aussi. Ah bah, on a que des jeunes mamans là. Bonsoir. Salut, bonsoir. Salut Chelsea, ça va? Ça va? Ouais, bah écoute, très bien. Vous avez été au concert toutes les deux avec maman? T'as été au concert? Oui. Et alors, c'est comment? Côté droit ou gauche? Bah, top. Côté droit ou gauche? Allô, c'est qui? À droite pour nous. À droite, à droite. On était devant. Avec moi alors. Donc, non, mauvais côté. Non, ah, mauvais côté. Mauvais côté, mauvais le côté. Vous avez choisi le mauvais, le mauvais côté. Côté. Nora, toi, qu'est-ce que tu retiens du concert? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui. Bah comme disait Aurélie, c'est vrai qu'il fait le show, c'est vraiment génial. Et puis les chorés, excellentes. Aïe. On l'a dit en début de semaine avec le TN Crew. Le travail paye. Magnifique. On l'a tenté. Merci, c'est gentil. Et bah merci à toi d'avoir été avec nous en tout cas ce soir, Nora. Super, merci à on vous. On fait en un tout bisou, cas. Passe une bonne soirée. Bisous. Bonne soirée. Et à très vite du côté de Lorient. On va revenir dans un instant. Il y a le nouveau son d'Eminem à découvrir dans quelques minutes. T'as écouté ton Dry ou pas encore? Eminem, ouais. Le nouveau morceau qui s'appelle Phénoménal, qui est extrait de la bande son d'un film d'ailleurs. Non. Oh Dry, qu'est-ce qui se passe? Non. J'ai entendu. Ça me bluffe plus moi tout ça. Oh là. Je deviens difficile. Ouais, tu deviens difficile. Black après, M. Après j'attends que mes petits frères les écoutent. Je sais que s'ils me dirent. Non, Eminem, c'est. Bon, t'as entendu un petit peu. J'ai entendu quelques petits flows. Il m'a mis d'accord. Juste les flows, il me met d'accord. T'as mis d'accord. Après, ouais, juste les flows. Après, toi, je sais t'es content. Ah gros, là c'est en direct. On l'avait entendu déjà hier, bon, on l'avait passé pas objectif, avec Black M. Bon, avec Eminem, ouais. Je peux pas être objectif. Bon, et ben on le repasse dans un instant, bougez pas sur Skyrock, le retour du son. Black M, Eminem et puis du live aussi avec Dry ce soir qui est là avec Abou de Beng. Yes. Et avec Black M. Les gars qui ont des goublets. L'émission rap de référence. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Ce soir, en direct avec Black M sur Skyrock. Voilà le morceau d'Eminem à l'instant sur Skyrock dans le Planète Rap de Black M, le morceau phénoménal. Sous Dry, tu fais pas bon. Non, quand même, fallait que j'écoute. Technique. Un gars qui technique. En plus, j'aime la technique. Bon, on sait Dry. J'avoue que c'est pas mal, c'est frais. et le Planète Rap avec Black M. Ça sort le 8 juin, CD, DVD, live. À pas louper. D'ailleurs, on va écouter un morceau live maintenant. Un morceau qui est sur le DVD seulement. Yes. Avec les images. Là, il y a de la technique. Là, il y a de la technique. Est-ce qu'il paraît, il y a une entrée phénoménale aussi. Là, il y a de la technique, ouais. Il y a une entrée phénoménale de Dry. Sur ce morceau. À ce qui paraît, je vais regarder, je l'ai pas vu. C'est une entrée incroyable. Il avait oublié, il pensait même pas que t'allais venir sur ça. C'est Deben qui avait oublié. Bon, après, ils ont l'habitude, comme on n'est pas sur la tournée, ils ont l'habitude de le faire d'une certaine manière. Et bon, comme j'étais venu pour soutenir le frère à son Olympia, c'était essentiel d'être là. Pourtant, ils m'ont vu, hein, c'est ça le pire. Tu sais, ils m'ont tous vu. Ils sont dans les loges, tout. Ça allait partout dans les loges. Mais après, les automatismes font qu'ils ont fait comme si j'étais pas là, mais ils ne l'ont pas fait puisqu'ils m'ont laissé quand même rentrer. À mon moment, au calme. Tout aussi, on est obligé. En toute tranquillité. Arrête, frérot. L'amiral des R. Eh ben, on écoute ce morceau billet facile avec les Shinsekai. Yes. Aussi, à bout de bang, Black M. Aïe. DJ HQ, c'est quand tu veux. Bien sûr. Billet facile maintenant. Est-ce qu'on a la version longue? C'est extrait du DVD. Le DVD. Précommande. La précommande du DVD le 8 juin. Tout le monde se lève. Et ça fait un. Dédicace à la famille. Les bistons se désapent avant qu'ils le savent. Dans un sharing et depuis que t'as eu son WhatsApp. Petit canard m'a monté appris à dire stop. Pour te voler le billet violet bien sûr qu'elle frotte. Sexy lady ton homme on va taser. Roche tes secus mes négros de ta mère. Tout est physique ton cul oui 30 verres. Faut que ça se finisse en soirée maillard. Olympia tout le monde l'a mollé. Moi qui divise les gens sur toi. Tout le monde l'a mollé. Plus rien à foutre les gens les jugés. Demain tu me reprendras ton tâche. Et ça. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ma chérie la jante vas-y. D'où vient tes racines? Ton choix de vêtements ma zazie. Aïe. Pas ton sac à dos, rentre dans la route ta malade. Aïe. La pitié à toi, partout dans le monde fait ta malade. Quand je sais comment la foule réagit. Avec le sexe opposé on interagit. Si je serais bien si agadie. Closing se réveille devant la punchline. Si je rince tu peux passer une bataille. Comme Michael si je siens sur mes airflights. Quand je vois un spy tous mes amoureux de l'asphalte. Quoi tu dirises les gens. Olympia. Quelle entrée. L'amiral de Eric Rack. Attention. Vous êtes prêts. À 3. Le billet facile, ce soir est le billet facile. L'Olympia. Le billet facile, ce soir est le billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Tu sais les gars, il faut que je prenne une petite phrase. Je n'ai pas juste quand je prenne une petite phrase. C'est très bien que juste pour la malade. Je pourrais poser des bouteilles même si tu tises pas. Bien montrer les petites phrases. Dommage que la fin du mois s'en récrate. Je ne sais qu'à ce que veulent ces petites tasses qui tapent. Je m'exerce du whisky. Pourquoi pas passer longtemps que ça. Tu ne me regardais pas maintenant. Ta femme c'est dans sur du Shinseka. Et qui ne peut pas dégainer le charisme et le style. Ce soir je peux bien faire du bouquin sur tout panneau. Les mains en l'air tout le monde. Eh, vous êtes fatigué ou pas? Je veux voir tout le monde les mains en l'air. Toutes les mains en l'air Olympia. Eh, je veux voir tout le monde sauter à 3. Attention. Ok, vous êtes prêts? Et ça fait 1, 2, 3. Le billet facile. Ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile. Ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile. Ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile. Ce soir j'ai le billet facile. Ok. Stop. Tu peux stopper Fred, ils verront dans le DVD la suite. Il y a du bonus. Ouais, on a mis les images, les images sont dispo sur la chaîne YouTube de Skyrock tout de suite. Vous pouvez voir les images de ce live extrait du DVD qui sortira le 8 juin de Black M. À l'instant. Ça a l'air sale. Dry. Franchement, je suis pressé de le regarder. Tu découvres, tu viens de découvrir aussi. Ouais, je découvre en même temps que mon gars le look, je pense. J'ai une question. Ah, on n'a pas salué d'ailleurs. Tu devais saluer quelqu'un, Black M. Tu m'as dit quand Loogie, Loogie. J'avoue, Dry. Je t'ai pas salué, je t'ai zappé. Ouais, négligé. L'acolyte sûr à DRY. J'ai nommé Loogie. Et ben voilà, il est là aussi ce soir dans l'émission. Arou, mon loup-garou. Entre 20 et 21. Et donc ce morceau billet facile, on retrouvait les Shinsekai, Abou de Bang, Black M et Dry. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une question à poser à Dry. Ouais, dis-moi. Allons-y, monsieur de Bang. Qu'est-ce que tu dis de ton entrée? Sincèrement, viens, on parle sérieux. En vrai, c'était pas prévu, tu vois, je savais pas comment rentrer, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est technique. T'as vu nos réactions? Ouais, j'étais bordé. Le respect, ouais. t'as vu le truc. Mais attends, est-ce que t'as remarqué ou pas? Moi, je savais. J'ai commencé à lever la main. On a tous levé, je t'ai dit, là, je sais pas ce qui s'est passé, mais tant mieux, parce que ça donne beau à l'image. Ouais, lourd, c'est... Si vous voulez voir ça, ouais, la précommande du DVD qui sort le 8 juin est disponible. Sur iTunes. Maintenant, gros que l'Olympia. Et je vous disais, les images de ce live, elles sont aussi dispo sur le skyrock.fm tout de suite. Là, vous pouvez mater le morceau à bout de bang avec Black M, avec les Shinsekai et avec Dry qui est là aussi avec nous entre 20 et 21. Yeah. Dans un instant, on va attaquer le live, mais dans le studio cette fois-ci. Yes. Session freestyle. Juste avant, je vous présente, c'est G de Lunel dans 34. Salut G. Salut, salut tout le monde. Ça va bien, G? Salut. Ça va, et vous? Eh ben, on est bien. Bien. Écoute, en grande forme avec le CD-DVD live de Black M qui arrive lundi. Et puis toi, G, qui vient rapper dans l'émission tout de suite. Voilà. Eh ben, session par freestyle par téléphone. On t'écoute, c'est parti. Parti. Ok. 1. DJY, t'as qu'une chose à faire, c'est bouger la tête. Ok, DJY, t'as qu'une chose à faire, c'est bouger la tête, bro. J'ai la vision d'un monde bien particulier, sans rivalité où la brutalité n'est plus banalité. Quête l'actualité pour pas les valider, pour que je fasse la qualité sans paniquer. J'ai pas niqué ta mère ni ta soeur, je suis pas de thérapeute, tu cherches à miser sur la peur. Comme des politiciens, oh. Ouais, tu crois qu'on y voit rien, mais l'opticien ne pourrait rien. Faut que nous dépenser les yeux, bah ouais, mon Dieu, demande à ces messieurs qui sont les plus vicieux. Ce qui gouvernement, c'est le gouvernement qui s'est couvert forcément pour faire un son santé. Du climat, façon de penser, pas des sons pour danser. Développé par la violence et la tendance, on danse avec la méchanceté. On ne fait que dépenser, on a tous des pensées qui nous horrifient. On glorifie le mal et on trouve ça normal. Parce que c'est devenu banal de se faire monter la tête pour une cigarette, gros. On fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. En fait, on veut pas faire comme eux. J'aimerais que tous mes billets bleus se multiplient par deux, hein. Et tu comprendras le jour où tu auras entendu ce que j'ai vu. C'est sûr que c'est tendu, faut que je bosse à temps plein. Du coup, j'attends, puis je prends tous les tremplins, loin de leur plan. Toute ma vie, je n'ai pas suivi les règles, même en pleine galère. Mais je n'oublie pas que personne n'est immortel. Alors, si je pars demain, je me dirais que c'est le destin. Mais au moins, je respecte de ma vie en fait, hein, ouais. C'était Y, gros, vous la tête, hein. Aïe. C'est ça. Okay. Il y avait Dry, il y a désormais Dry. G à l'instant en freestyle dans l'émission. Yeah. Merci à toi, G. C'est ça. Ah. Je veux passer un petit. Ah un oui, petit, oui bah vas-y, on t'écoute même si, bah, si t'as des. Je veux placer une petite, un big up à Black M, Dry et toute l'équipe. Merci, frérot. Yeah, plaisir, poto. Qui baille à Black M. Grillé. Vas-y, on peut te retrouver sur le net, G? On peut te retrouver quelque part? D'ici une semaine, normalement, ouais. Sous ça, alors? Il faudra suivre quoi? Ça sera. Bah, je vais sortir une petite page de le blast, ça sera G. Et après, pour l'instant, c'est encore un peu flou, mais ça va sortir. Donc c'est DJY, hein, c'est ça? C'est ça. Ok, et bah bon courage à toi, et puis tu reviens quand tu veux dans Planète Rap. Dès que tout est ouvert, merci. Tu viendras nous annoncer, ok? Merci. Allez, big up tout le monde. Merci à ouais, toi. Big up à toi, G. Bonne soirée bien. Sur Skyrock avant que Black M s'endorme totalement. Je crois qu'il non, non, on est là, au live. Mais là, trop de décalage, trop de décalage. C'est le décalage, ouais, c'est à cause des. Un coup au Maroc, un coup à Tahiti, un coup à Nazak. Non, c'est compréhensible. On est là. Moi, quand je suis revenu d'LA, gros, j'étais pendant deux semaines au moins. Ah bah. C'est quand? Je sais pas, j'étais décalé. T'es revenu quand? Un mois. En plus, on est retourné. Nous, on est retourné. Je me souviens plus. Mais en tout cas, le décalage, il m'a tué. Frère. Quand je suis arrivé là-bas, je me couchais. Il était 20h. Ouais, c'est vrai. Il était à 2h du matin, tout seul. C'est une vie. Rien à faire. Mais là, ça va mieux. Bon, ça va mieux. Est-ce que tu es prêt pour le live, toi, Dry? Ouais, ouais, au cas. Black M, Abou de Bang. Toujours. On va bricoler. Arrêtez-vous. Vous toujours. Très bien. Vous faites du semblant. HQ est prêt aussi? GHQ. On peut y aller. J'ai fait là aussi. Coup d'envoi, rendez-vous c'est parti. Le 8 dans la maison. Juin dans les bacs. Allez. Pour le DVD live de l'Olympia. Big Black M. A mes côtés, Derek Greg. Abou de Bang. Dédicace Loge de Guerre. Macan Keita. Encore Black une fois. Le 8 juin dans les bacs. Les yeux plus gros que l'Olympia. Yeah. Faites la place quand je me place, gros. Yeah. Yeah. Huh. Ouais ça fait bang bang, demande à bang bang. Mon pleura te rend dingue, mène à moi seul un gang bang. Mon stylo fait du sale et le pleura des saltos. Moi pour remplir les salles, je fais pas des rimes comme ma salle faux. Le move je viens piller, les géants n'ont pas de bol. Attaque au canon si existe tu c'est pour le pactole. Maintenant faut faire des tractions plutôt que tracter. Mon canon dans ton œil, ton frappe par l'étalage. Des couches au micro HF, HF. Chez nous le talent ne s'achète pas assez. Les coronets c'est ça n'a pas de prix. Moi quand je kick vos flow rap et font des bad trips. Des hat-tricks quand le déjoue donc alors. Quand le déjoue donc alors. DRY. Quand le déjoue donc alors. DRY. Quand le déjoue donc alors. DRY. 1 Fuck les favos, 600 chevaux sous le capot. Viens renverser les capots comme des cabots. Je suis sort mort, tel un tueur en série. Ça vient de Dior, c'est pas Rome mais pas la Syrie. C'est pour mes sabis, mes salauds qui t'abîment en silence. Pour homicide lyrical ou pas, non y'a pas de freelance. Ça vient du Val de, l'État en a marre de. On veut mailler, se barrer en Russie comme on part Dieu. Comme HQ on a l'art de se mettre bien bas avec la zig sans avoir un mes deux. Dis-moi si tu les portes, nos vies jouent dans les cordes. À vouloir bien des chambres fortes, on se dessine dans ma horde. Tout ça parce qu'on est fêlé. DRY. Tout ça parce qu'on est fêlé. DRY. Tout ça parce qu'on est fêlé. DRY. Un bout de bang. Yeah. Le 8 juin dans les bacs, gros. Le 8 juin dans les bacs, gros. Olympia. Le 8 juin dans les bacs. Le 8 juin dans les bacs, yeah, ça fait. Le 8 juin dans les bacs. Ils croient tous faire du rap, ils sont bang dans la trappe. Eux, tous le même flow sorti d'un phare, c'est attrape. Je crache dans une fouffe, pas dans la soupe. Mon gosse te butera dans 10 ans si je me loupe. Je bosse et j'ai du talent. Ramène-moi le mic que j'efface lui qui était juste avant. Tu sais pas ce qui t'attend. 10 cm de talent malgré ça, elle a pas de hue. 100 kg de muscle et malgré ça, il a pas de hue. Qui m'a pris pour une figurine, je vais la mocher en featuring. De bang future kid, fil du ring avec des features. J'ai le flow de fou, j'allie la fond la forme. Je veux débouler normes, on sera personne si on reste dans les normes. Qui veut quoi, qui est où, surtout qui va faire quoi. DMC par planète rap, dis-moi qui va faire quoi. Source d'inspiration, ma situation et ma transpiration. Félicitations à vous pour vos reprises de citations. J'ai mouillé maillot, j'étais dans les maillons du système 2015 maillon. Faut que le calendrier maya. Quand y'a les keufs qui affouillent, au pire des caillafouilles. Commissaire on cafouille, notre honneur il bafoue. Ils croient tous baiser des mères mais ils ont pas de couilles. Quand j'arrive, ils se pissent dessus et leur go mouille. Ah la chute va être sévère. La chute va être sévère. La bengance, c'est 8 juin dans les bacs. La bengance, c'est 8 juin dans les bacs. La bengance, c'est 8 juin dans les bacs. DJHQ. Rien à foutre que t'es un star, ce pavane là-bas. Moi je suis là, j'ai kick sale pour mes gavanes à 20. Depuis que c'est plouc mon vieux avec le frère au Kev Adam. Ils ont zappé que quand le big black s'y met, il crève le mic. Je suis pas dans le futur, je suis juste présent. Percé plus dur au tiers car y'avait rien d'intéressant. La rue a fait de moi une machine, t'imagines même pas. Je crois pas en la magie, les génies on les aime pas. Ouais c'est quoi ton blême man, parce que j'ai fait mon blé peut-être. Messieurs excusez-moi de ne pas accepter la défaite. Il faut que je m'arrête, mais Shady veut pas. Je suis comme hypnotisé même quand ma chérie me parle. Dire qu'ils vont oublier ce freestyle comme s'ils avaient bu. Mon dieu est mis de là, peut-être que rapper j'aurais jamais dû. Vas-y mets du son et écoute mes dires. La réussite ça fait du mal, ils font que mes dires. J'ai cascadé, demande à Mehdi. Chétan Mepi veut pas que je finisse à Médine. Made in Afrique de l'Ouest, 500 000 ventes à rime et je pense à ceux qui vivent la hesse. Sur la vie de ma mère, qu'il faut que je me vide la tête. T'as vu y'a pas que dans les films que l'ennemi vise la tête. Ma porte était scellée, fallait que je brise la fenêtre. Ici on s'en bat les couilles quand tu exprimes ta peine. Aussitôt que le public te lève, mon ami il te rabaisse. Un 2, un 2, t'as bacri qu'il faut qu'il quitte la thèse. Sans mesure, c'est de l'eau, j'ai fait un hit la veille. Qui pourrait dire à Joey Star que c'est mieux qu'il se la ferme. L'éternel insatisfait, y'aura de tristes thèmes. J'ai pris mes cauchemars en otage pour pas qu'ils brisent mes rêves. Le 8 juin dans les bacs. Big le 8 juin dans les bacs. Le 8 juin dans les bacs. Le 8 juin dans les bacs. Juste comme ça. 1. Yeah. Yeah. Toujours le Watibé. Dawala. Banub. Yeah. Tout ça ne changera pas. Skyrock. Yeah, y. Le DHQ, tu dis quoi? Skyrock. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Le 8 juin dans les bacs. Le 8 juin dans les bacs. DVD de l'Olympia. L'Olympia. Tu veux qu'on stop? Tu veux qu'on stop? Yeah. Ah ouais, ça s'arrête comme ça, les gars. Ok, bon. C'était bon, hein. C'était bon, bravo, bravo. Tu sais, on fait des petits freestyles comme ça, des petites apparitions. Petites apparitions, petites apparitions. Efficace à chaque fois. Efficace. En tout cas, avec Dry, monsieur De Bang. Yeah, yeah. C'est cool. Eh, un petit mot d'ailleurs, parce que bon, hier, on a pas. Il y a des mecs qui kick ici, là. Hein. Toi, tu lâches des brand new, tu dis. Arrêtez. Voilà, c'est ça, parce que. Il a pris un truc de son bigou. Ok. Parce qu'hier, on a parlé de De Bang et de l'avenir de Abou De Bang aussi. On a parlé des différents projets, mais pour Dry, à chaque fois, je te cuisine là-dessus quand tu viens. Ah, tu me cuisines, hein. On en est où? Bon, je pense que bon, je suis dessus en tout cas. Après, je pense quand même que je vais sortir peut-être un petit EP 8 titres, comme je sais que je vais sortir l'année prochaine. Ça fait un peu long d'être pour garder le rythme sans actu, tout ça. Donc c'est toujours important d'être là. Donc EP 8 titres. Un petit EP 8 titres pour après la rentrée, au calme. Et puis l'album l'année prochaine. Quoi. Donc, comme il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup de gens qui sortent dans l'Oise. On est, c'est vrai, il y a beaucoup de sorties. On est productif, on peut pas tous se marcher tous en même temps sur les pieds. Donc c'est chacun son tour, gros. Bien. Bon, et puis là, donc la sortie la plus proche, c'est celle évidemment de Black M lundi avec le live. Bien sûr. Et puis de Bang par la suite. Il y a De Bang, d'autres surprises. Ils ont vu les clips, qu'est-ce qui se passe, gros, sur la toile ou pas? Non, ils ont pas encore vu. Ils ont pas encore vu tes bails. Ils ont pas encore vu. Ou peut-être moi, j'ai vu des De Bangeries, moi. Les deux Bangeries, oui. J'ai vu, moi, les deux Bangeries. Il y en a deux disponibles et la suite arrive très prochainement, comme on l'a dit. Les petits frères, ils ont du niveau. Après, en même temps, l'autre jour, je réécoutais le freestyle qu'on avait fait pour la sortie de mon album. Flo qui vient les marteler. T'aimes trop ce freestyle, c'est une galère derrière. Bon, le Planète Rap sur Skyrock. Et je rappelle aussi, alors que tu nous as promis une grosse surprise. Cette semaine, je n'en ai pas parlé depuis le début. Cette semaine, il y a beaucoup de surprises. Parce que là, j'attends, j'ai compris qu'il fallait attendre. Tu me connais, je fais que des surprises. Il y a eu Black Shady Party. Mais là, on est à moins de 24 heures maintenant de la surprise. Je dirais que dalle en fait. Non, mais tu sais que Fred, même nous. Là, je viens de vous donner un clip Black Shady Party 3. Donnez vos impressions déjà. Oui, mais. On a écouté Adios hier. Excuse-moi, Drake. Tu sais que même nous, on n'est pas au courant. C'est quoi la surprise? Demain. Il m'a dit demain. Demain, en fin d'émission, tu vois, vous allez vous manger un truc. Vous allez tous vous manger un truc. C'est tout. Mais on peut pas. Plus d'indices, rien, non? Non. Vous allez vous manger un truc. Un truc, franchement, l'indice. Bon, patientez. Dry, et vous verrez que je ne l'ai pas ouvert pour rien. Non, pas vraiment. Après, c'est pas toi, c'est pas toi. Non. T'es la surprise de ce soir, donc c'est pas toi. Ah non. Pas tous les jours quand même. Bon, après, c'est peut-être Black, il a un petit truc. C'est un coup de massue. Après, le mec, il travaille beaucoup, on les voit pas souvent. Tu connais les coups de massue? On sait pas quoi. On attend. De Bang, c'est un coup de massue. Pas cuisiner toi non plus? Non, franchement, je suis pas au courant et c'est pas moi. Moi, j'ai déjà donné une bonne partie de peut-être ce que j'avais. C'est HQ. Peut-être le fameux pas cadencé d'HQ. Grosse surprise. C'est pas moi. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas moi. C'est sûr que HQ. Hey, mais attendez, HQ, il a déjà donné sa surprise. Parce que la prod de Adios, faut préciser. C'est DJ HQ. On l'avait dit. On peut le redire, bravo. Le gars est compo, le gars est DJ. Le gars est back. Le gars est réel. Le gars est back. Le gars est back. Le gars est complet. Bon, avant de se quitter, avant de faire tourner la roulette sur Skyrock, on va mettre un morceau quand même. Yes. Un morceau du live, non? On se met quoi? Je rappelle que la précommande depuis hier, c'est parti pour avoir le live. Je sais ouais, pas, ouais, précommandé que... sur iTunes. Alors, attends, allez-y, foncez. Qu'est-ce que tu veux? On se fait du mal? Qu'est-ce qu'on peut mettre à la vôtre? Foutu mélodie, ma musique. Tiens, on se fait du mal, c'est cool. On se fait du mal. Réécoute, ouais. Ah bah très bien, bonne idée. On se fait du mal. Oui. Maintenant, c'est extrait du live et on est frais des préco depuis hier. Vous pouvez l'avoir depuis en précommande. Allez-y, précommandé. Cliquez pour récupérer les yeux plus gros que l'Olympia. Précommandé. Précommandé. Le 8 juin dans les bacs et oubliez pas la surprise de demain. Grosse dédicace au Hey Crew, au TN Crew et à toute l'équipe qui m'accompagne en tournée. Tapez dans vos mains. 1, 2. Je dirais même grosse dédicace à tous ceux qui sont venus me voir sur scène. Voilà, je vous ai tous vus, j'ai les yeux plus gros que le monde. Gêné, je pense à tout ce que tu m'as donné. Ces moments durs où tu m'as épaulé. J'étais pas le seul, t'étais à mes côtés. Personne m'entendait, toi tu m'écoutais. La suite fait mal, je me tais, tu la connais. Fallait que tu saches que je suis dégoûté. Tout le monde, on se fait. J'entends rien. Faut faudrait qu'on passe à autre chose. On se fait du... On se fait du quoi? On se fait du... On se fait du quoi? Ratatala, on se fait du mal. Les yeux plus gros que l'Olympia. Deux vigeons dans les pas. On se fait du mal. Ma chérie, j'suis désolé. J'avoue ton cœur, je l'ai cambriolé. J'sais que ton intimité s'est fait violer. Et que je n'ai pas su te consoler. Je t'aime tellement que j'pourrais te dévorer. Mais dans ta vie, je ne sers qu'à décorer. Le silence nous a éloignés. Les cris de nos disputes peuvent en témoigner. On se fait du mal. Faudrait qu'on passe à autre chose. On se fait du... Wow. Rimkus, que batterie, choses, quel génie. Olympia, est-ce que vous êtes toujours chaud? On se fait du quoi? On se fait du quoi? On se fait du mal. DJ Lil Key. Délicace à mon gars Jeff. On se fait du mal. On se fait du mal. Esprit noir, le monde ne suffit pas. Merci à Subliminal. Vous aussi nombreux. On me sublime. Allez chercher ce truc aussi. Je veux voir tout le monde debout au fond. À mon top départ, tout le monde saute. On refait comme au début. Attention. Tout le monde saute. Arrêtez. Caca. Arrêtez. Puis j'en dans les bacs. Arrêtez tout, arrêtez, arrêtez. On se fait du mal. Arrêtez. On se fait du mal. Vous aimez la chorégraphie de ce son, hein? On se fait du mal. J'ai la bengance. Elio Petrodollars. Arrêtez tout, arrêtez. Jiba Jiba Ash Magnum. Extrait du live qui sortira lundi dans les bacs le 8 juin. On se fait du mal à l'instant. Avec en effet, voilà, on peut saluer. Bravo à Boudabeng pour cette batterie. Il a fait rien, c'est mon gage Q. Il ces temps-ci nous donne un peu des cours. Bon, j'ai un peu du mal. Aboutal est un peu plus dust que moi, mais on essaie ces temps-ci. Et ben merci en tout cas pour cette soirée une fois de plus. Merci à toi. Avant de se quitter, on va faire tourner la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre le nouvel album de Youssoupha. Plus 50 euros de chèque cadeau. On vous met bien, non? Anthony, du côté de Nantes, comment ça va, Anthony? Avec un, allez-vous? Oh, je suis en train de voir que c'est ta dernière date, a priori, le 29 novembre 2015, donc ça paraît loin. Ah, ça paraît loin. Ce sera au Zénith de Nantes pour toi, Black M. Et c'est la troisième fois à Nantes. Et c'est la troisième fois à Nantes. Troisième fois le Zénith de Nantes. Voilà, il a toute dernière date, a priori, de la tournée, à moins qu'il y en ait peut-être d'autres encore qui s'ajoutent, mais là, ouais, la toute dernière date, c'est 29 novembre. Il y a mon portrait au Zénith de Nantes. Aïe. C'est vrai. Ça va, Anthony? Ouais, ça va, nickel. Tu l'as vu, toi, Black M en concert ou pas encore? Non, pas encore. Et ben voilà, la prochaine date, c'est 29 novembre au Zénith. Voilà, on ira le voir. Yes, merci, mon sauce. Et en attendant, on fait tourner la roulette, c'est parti. Dès que tu veux, tu dis stop. En plus, avec les chèques cadeaux, tu peux t'acheter ce que tu veux, des places de concert, par exemple. Chèque cadeau. À choper dans la roulette maintenant, Dry. Lourd, lourd. Il est de combien le chèque? 50 euros en chèque cadeau avec l'album. Mais si tu veux doubler, n'hésite pas, Dry. Avec l'album de Youssoupha, Négritude. Ouais, on t'envoie ça, Anthony. Vas-y, on t'écoute. Je passe une dédiée à Joshua, je passe une dédiée à Erwan, Samuel et Chloé P. Merci à toi, Anthony. Je pourrais avoir une photo dédicacée de l'équipe et de la Kem. Eh ben, on va te mettre ça de côté. Merci. À bientôt, Anthony. Ciao, passe une bonne soirée. Eh, hey, mais attends, t'as pas vu qui c'est qui vient d'arriver là? Si, mais je me disais, il est un peu tard quand même. Non, ils sont arrivés au dernier moment. Je me disais, les gars arrivent un peu tard. Oh, et je suis très content qu'ils soient là parce qu'ils ont un truc à nous balancer, mec. Un gros truc, un gros truc. Méga sûr. Les Shinsekai viennent enfin d'arriver, messieurs. Yeah. Les Shinsekai. Les Shinsekai au grand complet. Au grand complet. Là, il y a On a écouté en plus notre morceau avec Abou, avec Dry il y a quelques minutes. Le morceau live facile. Extrait du DVD. Et alors qu'est-ce qui se passe? Parce que là vous arrivez en furie. Donc qu'est-ce qui se passe? Allez, expliquez-nous tout. on n'arrive pas les mains vides, gros. C'est-à-dire ? On a un gros truc balancé. Et là, on est à la fin de l'émission, hein, quand même. Hein. Non, mais t'inquiète. On va balancer ce truc déjà. Déjà prêt. Donc, on peut dire que c'est indéfini, enfin, un extrait d'Indéfini. C'est le prochain extrait d'Indéfini. C'est le hit de cet été. C'est le hit de cette année. Je te le dis là. J'annonce cette fois-ci. C'est mon morceau préféré. Il sera tellement sale que je crois qu'on va recommencer le... Non, mais on, pendant une heure, là, on le pull up. C'est pas grave. L'émission, on va la recommencer. On recommence tout. Alors, balançons ça tout de suite à Ishmael. Mets-nous ce truc. Indéfini, bientôt dans les. Merci Shinsekai. Ma jolie, ma jolie, ma jolie, ma jolie. Ma jolie, ma jolie, ma jolie, ma jolie. Enlève un peu tout ton maquillage. Enlève un peu tout ton maquillage. Montre-nous ton vrai visage. Maquille, celui dont tu n'es pas fier. Maquille, tu sors dans le dos de tes frères. Maquille, t'excelles dans savoir-faire. Maquille. Je vais pas me jeter sur toi. Tu sais, je pense qu'ils ont pas. Je pense qu'ils n'ont. Les auditeurs n'ont pas capté en fait. Indéfini, c'est le prochain album. Là, il y a Shinsekai, c'est le deuxième extrait. Il s'appelle Ma Jolie. Trêve de blabla, trêve de blabla. Remets DJHQ, remets ce truc. Remets ce truc. On est pas prêts. Je veux que toute la France bouge la tête dès maintenant. Ma Jolie. Enlève un peu tout ton maquillage. Montre-nous ton vrai visage. Maquille, celui dont tu n'es pas fier. Maquille, tu sors dans le dos de tes frères. Maquille, t'excelles dans savoir-faire. Maquille. Stop. Ok, alors stop. On va essayer de se calmer. Calmez-vous, les gars. Ma jolie, oh, ma jolie, oh, ma jolie, oh, ma jolie, ma jolie. Stop. Fred, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que on le met pas en entier. Ah, tu le veux en entier, maintenant. Tu veux un entier. Il faut le mettre en entier, puis il faut que après on conclue. Donc DJHQ, on y va. DJHQ, vas-y, reviens. J'aimerais bien l'avoir en version intégrale quand même, ce morceau. Ma jolie. Maquelle. Ça, c'est pour toutes les maquelle. Ça fait. Maquelle. Ma jolie. Ma jolie. Ma jolie. Toi. Ma jolie. Et toi enlève un peu tout ton maquillage. Enlève un peu tout ton maquillage. Montre-nous ton vrai visage. Maquillé, celui dont tu n'es pas fier. Maquillé, tu sors dans le dos de tes frères. Maquillé, t'excelles dans savoir-faire. Maquillé. Je vais pas me jeter sur toi. J'aimerais te voir matin. Maquillé, une femme ou œuvre d'art. Ton visage est le feu. Maquillé, pas d'histoire. On sait tous d'où tu viens. Maquillé. T'as eu tous mes gavards. T'as beau t'aimer qu'une femme. Fantin sur le col, rouge à lèvres sur la joue. On sait que t'es passé par là. La lumière éteinte, ta beauté voit le jour. Pour le reste, c'est un bon débat. Chez toi, t'es une sainte, mais en boîte, tu nous loules. Ma soeur, tu nous mets dans l'embarras. Malgré ça, t'arrives à charmer ceux qui refusent. Tout le monde fait. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Exclusivité Skyrock. Ma jolie. Le hit de l'été. Enlève un peu tout ton maquillage. Indéfini arrive à grands pas. Montre-nous ton vrai visage. Maquille, celui dont tu n'es pas fier. Maquille, tu sors dans le dos de tes frères. Maquille, t'excelles dans savoir-faire. Dealer. On t'invite dans le club mendiant, du champagne aux gens. Clochard ne fait pas semblant, tu ne seras jamais ni Rihanna, ni Beyoncé, ni Kim K. Non. Dis-moi qu'est-ce que tu prêtes à faire pour l'oseille. Tu nous fais ta princesse, en effet, tu nous manques pas de cran. Tes fils de chaise, on fait par intérêt. Tu crèves des clans pour creux d'écran. J'ai dit maquille. Non, mon gars, bah, tu ne l'intéresses point. Si tu peux mettre un sac Chanel à sa main. Maquille. J'ai dit maquille. Non, mon gars, bah, tu ne l'intéresses point. Si tu peux mettre un sac Chanel à sa main. Ma jolie. Enlève un peu tout ton maquillage. On t'avait prévenu, le deuxième extrait. Enlève un peu tout ton maquillage. Montre-nous ton vrai visage. Maquille, celui dont tu n'es pas fier. Maquille, tu sors dans le dos de tes frères. Maquille, t'excelles dans savoir-faire. Maquille. Stop. stop. On peut pas en mettre plus. C'est tout. Là, on t'a déjà beaucoup trop donné là. Donc, et c'est parce que tu nous as branché en plus de ça. Alors, rappelons quand même deux trois choses. Ça, c'est extrait d'Indéfini. Indéfini. L'album qui arrive. Exactement. Et le titre s'appelle Ma Jolie. Ma Jolie. Attention. Attention. Franchement, attention à Shin Sekai. Durant toute ma tournée. Et moi, je veux voir les réactions avec le hashtag Ma Jolie. Pourquoi pas Ma Jolie sur Skyrock. Hashtag Ma Jolie sur Skyrock. Merci en tout cas d'être passé rapidement pour ce soir. Merci les gars de Shin Sekai. Et je tiens à dire aussi un truc, un dernier truc. On va lancer le concept challenge Ma Jolie. Ça veut dire que tous les gens pourront reprendre le refrain et s'amuser à faire des vidéos dessus. Donc, et on va reposter ça avec ça, à partir de quand, grâce à notre Facebook, à partir de ce soir, à partir de tout de suite. Tiens. Donc il faut suivre. Et bah, dès maintenant, allez suivre les Shin Sekai. Merci Black M pour ce soir. Merci. Demain, on revient avec une grosse surprise. Demain, c'est la surprise finale. Ouais. Merci à c'est Dry d'être passé. Qui était là avec nous entre 20 et 21. Merci à monsieur Debeng. De rien, Bengance était présent. Et merci à HQ et à tous ceux qui sont passés. Et là, on va retrouver D-Fool. C'est parti, c'est la radio libre tout de suite. Ciao. Makili. Allo. D-Fool, la radio libre, le studio 01 53 40 30 20. On est là, Fredo. Ah, je me suis dit, j'allais être en galère en fait. Le temps de se connecter tranquillement. Qu'est-ce qui se passe, Samy? Eh ben écoute, D-Fool est en voiture. Il arrive, il est même là. J'entends. Salut, Fredo. Hello. On était en train d'ambiancer la voiture avec le son de. Avec Ma Jolie. Le son de Ma Jolie. Des Shin Sekai. Dans la voiture. Voilà. Ça va, je l'entends rire, elle va bien. Voilà, elle est contente, normal. Tout va bien. Je l'entends, elle rigole derrière. Voilà, je suis dans mon minibus avec Karim, avec la Marie. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a Romano qui est là, qui vient d'arriver. Bonsoir. Hello. Bonsoir, Romano. Comment vas-tu? Il n'entend pas, comment vas-tu? Je vais bien. Parfait. T'es bourré ou quoi? Non, pas du tout. Non, c'est le merde, comment il s'appelle? Le vigile, Yovan. Ah, Yovan. Putain, il a un look de merde aujourd'hui. Ah ouais, il est ringard. Ouais. Enfin, aujourd'hui, tous les jours, quoi. Et franchement, ça m'a fait bon d'arriver. Je me suis foutu de sa gueule, ça a eu une bonne humeur. Il est content. Yovan, c'est celui dont on a cassé le pare-brise quand on est allé au Bois de Boulogne. On lui fait des misères tous les jours. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, tout le monde est prêt? Ouais, vous êtes où? Yes. On est juste à côté, là, on est juste derrière, on arrive. Eh bah, compte alors. Karim vient de faire une très très bonne blague, tu l'as entendu? Non, j'ai pas entendu. Vas-y, redemande, on est où? Ah, dans mon cul. Voilà, c'est ça. Voilà. Ah, c'est attends. Drôle, hein. Ah, oui. Karim Comedy Club arrive. Le problème du mois arrive aussi. Ouais. Puis vous tous au 01 53 40 30 20. Bon, moi je monte et on est avec vous. C'est parti. Ah bah, tout de suite. À toutes. Bon, bah, on démarre avec Jules. Yeah. Eh oui, et je tourne en rond. C'est parti sur Skyrock, la radio libre, jusqu'à minuit. Ciao. Ciao. Toute la journée sur Skyrock.